avoir ces idées noires qui te tournent la tête. Si tu pars, il te faut savoir qu'en amour rien ne s'achète. Si tu regardes dans ta mémoire, tu verras des tempêtes. Avec lui, tu voudrais y croire, le bonheur et la fête. Tes sentiments sont bien comme ces nuages gris qui dansent au-dessus de nos têtes. De par le vent, ils reviennent et s'effacent à jamais dans l'oubli de nos pères. Le temps de revoir son regard.